L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Aujourd'hui, parmi nos invités, Marc Prince, qui a fondé en 2004 une compagnie, qui a pour nom la compagnie Théâtre à bout portant. Nous allons parler d'un spectacle qui sera à l'affiche, à l'apostrophe, Théâtre 95 à Cergy Centre au mois de mars prochain, les mardis 6 et mercredi 7 mars pour être précis, 20h30, heure des représentations. Vous êtes un artiste référent milieu scolaire pour la scène nationale apostrophe depuis de nombreuses années. Et là, vous avez une bonne idée, une idée originale de nous proposer un spectacle qui a pour titre « Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille ?». Moi qui ai un peu de culture, je me suis dit, mais ça me rappelle mes années 70. Et là, vous allez me dire certainement que je suis dans le vrai, non ? Oui, bah bonjour d'abord. Bonjour. Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille ? C'est le titre d'une chanson de Jean-Yann. Et devant les débris de notre passion, soudain dans mon esprit s'infiltre une question. Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille ? Pourquoi pris-tu mon lobe entre tes dents et me le happas-tu de ta bouche vermeille ? J'en reste là. Mais une chanson qui nous trotte encore dans la tête pour ceux qui ont vécu ces années-là. Alors cette idée originale, pourquoi vous intéresser en cette année 2018 ? C'est une création qui date de l'an dernier, c'est ça ? Ou qui est en cours ? C'est en cours, là. En cours de saison. Pourquoi s'être intéressé à Jean-Yann à ce moment-là de votre parcours théâtral ? Pourquoi en fait, moi je suis comédien aussi à côté, en plus d'être metteur en scène. Effectivement, j'interviens en milieu scolaire, mais je suis aussi également metteur en scène. J'ai mis en scène à Dario Fo à Nanterre, le D-Book, la saison dernière ici, à l'apostrophe, avec François Méchali. Et donc, oui, je suis comédien et... En fait, j'ai toujours eu envie d'être à l'arrière de la voiture conduite par Jean-Yann dans Nous ne vivrons pas ensemble de Maurice Pialat. En fait, c'était ça au départ. C'est l'envie juste d'être avec eux derrière, sur la banquette arrière, non pas. Enfin, je sais pas, pour être témoin de quelque chose ou. Parce que je suis très cinéphile et c'est vrai que ce film-là, bon, même si Maurice Pialat, c'est un. Personnage à fort caractère, c'est une personnalité qui soulève beaucoup de questions, mais moi j'avais envie d'être dans cette voiture-là, dans cette Renault 16. Voilà. Mmh. Renault 16, la R16, on disait, même plus précisément à l'époque, départ en vacances, on se retrouve en plein embouteillage, hélas, il y a effectivement une histoire, un récit pas possible entre trois personnages, voire quatre personnages, parce que je crois que la voiture, elle est un personnage à elle seule déjà, c'est ça ? Oui, en fait, quand j'ai parlé de cette envie, de ce désir-là à Julien Dieudonné, qui est un ami auteur, qui a travaillé avec moi d'ailleurs sur le Dario Fo, Klaxon, Trompette et Pétarade, que j'ai créé à Nanterre, qui s'est joué aussi à l'apostrophe, il était dramaturge à l'occasion. Et là, je lui ai parlé de ce désir-là, et puis on en a causé, on a épluché la biographie, le parcours cinéphilique, le parcours de comédien, de réalisateur, de Jean-Yann. Enfin, on a tout épluché, on a tout regardé, on a tout écouté, on a tout lu, des témoignages de gens qui ont travaillé avec lui. Et on est parti là-dessus, quoi. Enfin, lui, il est parti là-dessus pour écrire ce texte, « Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille ?», donc inspiré de la chanson « Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille ?», mais qu'on n'entendra pas dans le spectacle. On entendra d'autres chansons, mais pas celle-là. Mmh. Plongé dans les années 70, autrement dit, en même temps, c'est à la fois une vraie tranche de vie, une bonne décennie de l'histoire de Jean-Yann, c'est ça ? En fait, on est parti de la naissance artistique de Jean-Yann pour aller jusqu'à sa mort, pour nous, artistique, qui correspond aussi un peu à la sienne, puisqu'en fait, le grand, grand désir de Jean-Yann, au-delà d'être... c'est d'être réalisateur, en fait. C'est un acteur magnifique. Tous les gens qui ont travaillé avec lui le disent et le proclament haut et fort. Mais lui, son désir, son fort intérieur, c'était vraiment de réaliser. Et en fait, son désir est né dans sa rencontre avec Jean-Luc Godard lorsqu'il a tourné Weekend en 67 avec Mireille Darc comme partenaire. Et ce désir-là de réaliser, de produire et de jouer aussi dans ces films est apparu à cette époque-là. Donc on est parti de ça, de ce moment-là, pour traverser son parcours d'acteur. On passe par Pialat, par Chabrol. Mmh. C'est à la fois une tranche de vie de Jean-Yann, en effet, une tranche d'histoire de France également, parce que ça se situe dans une période historique, on va dire, pour beaucoup fantastique, pour d'autres de turbulence, mai 68, les événements et l'après-mai 68. Oui, on traverse ça, parce qu'en fait, ça parle de politique. Donc on est en plein dedans. Il faut savoir qu'en 68, Jean-Yann a été un des seuls, quand il travaillait à la radio, il était un des seuls à ne pas faire grève, alors que tous ses collègues étaient en assemblée générale, et eux ont été virés, donc après, lui il est resté. Mais on oublie par exemple que c'est lui qui a inventé ce slogan, donc c'est un personnage paradoxal, c'est lui qui a quand même inventé ce slogan, il est interdit d'interdire, on le sait pas ça, mais c'est lui quoi. Donc on parle de 68, donc c'est vrai qu'on part de Jean-Yann, mais l'essence du spectacle, c'est, je parle de moi acteur, de Jean-Yann acteur, et au travers de ces deux parcours, le mien plus modeste évidemment, on essaie on parle de l'amour, on parle des déceptions, on parle des rêves de grandeur qu'il a eu lui en tant que réalisateur, à vouloir travailler avec Rassam, Jean-Pierre Rassam qui était un producteur de l'époque, travailler avec des partenaires, des artistes créateurs comme Tito Topin ou Michel Magne que la région du Val-d'Oise doit bien connaître. Absolument. Donc il a eu ces rêves-là, ils ont eu le rêve d'acheter la Gaumont et donc ça s'est cassé la gueule. Mais donc ça parle de nos rêves à nous, ça parle de mon rêve à moi, des rêves d'artistes, des rêves de grandeur, et puis ça parle, on espère en tout cas que ça parle à tout à chacun, parce que ça parle d'amour, de séparation, de décès, d'amitié, de fusion et puis de destruction. Voilà, ça parle de tout ça. Alors Jean-Yann était un personnage tout à fait particulier, un véritable touche-à-tout, un artiste complet au cinéma, acteur, scénariste, réalisateur, producteur, humoriste, avec un humour particulier. On l'a même déclaré comme éminence de l'humour pince sans rire, du vitriol et de l'autodérision. On retrouve cet état d'esprit dans le spectacle ? Je ne sais pas. Je sais pas. En fait, nous, on était en résidence au Lila en Seine. On a, comment dirais-je, présenté notre sortie de résidence il y a 15 jours. On a tous, enfin, pour ceux qui connaissent Jean-Yann, on a tous une idée du Jean-Yann. Enfin, on a tous un point de vue sur lui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est beaucoup plus ouvert. Ceux qui l'aiment, ceux qui aiment l'humoriste qu'ils ont pu entendre sur RTL, par exemple dans Les Grosses Têtes, etc., vont pas forcément se retrouver dans le spectacle. Puisque ce dont on parle vraiment, c'est de la... Encore une fois, c'est de sa vie, c'est son parcours d'artiste et ses hésitations, ses fantasmes, ses rêves, donc c'est compliqué, c'est difficile pour moi de répondre parce que voilà, c'est peut-être qu'on n'est pas forcément sur ce credo-là de l'humour, quoi. On n'est pas dans il y a de l'humour dans le spectacle, mais c'est pas un humour auquel on peut s'attendre quand on connaît Jean-Yann. Par exemple, les gens, certaines personnes ont vu le spectacle, enfin, qui ont l'impression de connaître Jean-Yann, on s'est dit qu'on ne l'avait pas retrouvé. Et puis d'aucuns, j'ai des amis comédiens qui sont venus de sa génération, qui ont travaillé, qui ont joué avec lui. Je pense à François Château, par exemple, qui est venu voir le travail, qui est un acteur de renom, et qui a travaillé avec lui. Il me disait qu'il l'avait retrouvé cette personnalité, la personnalité de l'homme, quoi. Avec ce côté pince sans rire, comme vous le disiez, très justement, sombre, dépressif, mais toujours, toujours en faisant un pas de côté, histoire de faire la blague. Mais il y a quelque chose de très humain qu'on retrouve, je pense, dans le spectacle. Parce que, voilà. Je vous fais part d'une citation, ce qui peut peut-être résonner avec le spectacle. Pas d'alcool au volant, d'accord, eh bien, supprimons le volant. Voilà l'état d'esprit de Jean-Yann pour ceux qui vont le découvrir aussi au travers de ce spectacle. Alors la forme, c'est une forme hybride et poétique que vous avez employée pour la mise en scène entre théâtre, cinéma, musique, c'est ça ? Exactement, oui. Donc on va retrouver certains courts extraits, certaines de ces chansons qui ont été adaptées et réécrites par Chloé Mons, qui est une artiste, une chanteuse, donc dans des versions très contemporaines, parce que j'ai voulu justement, on a voulu avec Julien vraiment essayer de tirer sur la contemporanéité, de pas, qu'on se dise pas, Jean-Yann, oui, c'est les années 70, c'est un peu vieillot, pourquoi ça va, de quoi ça va nous parler, etc. Donc il y a un truc très contemporain dans cette proposition. Quoi. Mmh. Pièce pour un acteur, une chanteuse, un régisseur et une voiture. La scène, le dispositif, c'est un plateau nu sur lequel se trouve cette voiture et vous trois dans cette voiture. Une voiture qui se retrouve un peu dans les embouteillages, c'est ça ? Oui, des embouteillages aussi. Moi, quand j'ai eu cette vision là de spectacle, j'ai envie de créer ce spectacle-là, je pensais à Fellini Roma, au moment où le début du film où on se retrouve dans les embouteillages, où on s'asphyxie, il y a quelque chose de l'asphyxie, et on parle un peu de cette image-là au départ. Après, on fait pas du cinéma avec la voiture, mais on évoque quand même le cinéma. On pourrait être aussi sur un plateau de cinéma, puisqu'il y a des projecteurs qui le laissent entendre. Il y a des projections qui seront proposées sur un écran ou on sur le plateau. On entend des voix aussi. On entend la voix, bien sûr. On entend la voix de Briali, qui remet le prix d'interprétation à Cannes, à Jean-Yann, pour son rôle dans Nous ne vivrons pas ensemble de Maurice Pialat, sauf qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Et pour la bonne et simple raison, c'est que sa femme est en train de crever d'un cancer et qu'il est à son chevet. Vous citiez Godard, Mireille Darc et d'autres. On va les entendre d'une manière ou d'une autre. Godard, en fait, il y a l'évocation de ces personnages-là, mais on n'est pas dans l'interprétation. D'accord. On n'est pas là pour singer, pour imiter Godard, ou je ne me permettrai jamais d'imiter Yann, mais on est là dans un travail de suggestion. Donc on suggère la présence de Godard, on suggère la présence de Pialat, ou le rapport de Yann avec Pialat, on suggère la présence de Mireille Darc, on suggère la présence de Jean-Pierre Rassam, de Chabrol. Mais c'est du théâtre récit, donc c'est un travail de suggestion, on n'est pas du tout dans l'imitation. Alors, les personnages, vous avez cité dans le rôle de la chanteuse Chloé Mons, Bachung, je lisais, elle a été compagne de Bachung, tout simplement. Mmh. Pierre Montessuie. Exactement, qui est le régisseur et acteur. Et vous-même sur scène. Voilà. Donc je suis sur scène, je suis Marc Prin, voilà, qui parle de Jean-Yann, et en parlant de Jean-Yann, je parle de vous, spectateurs, des gens qui sont autour de nous, qui sont là à écouter cette histoire. Donc j'ai co-mis en scène le spectacle avec Julien, qui a écrit le texte. Il va y avoir bientôt d'ailleurs une diffusion radiophonique sur France Culture de son texte, là, j'ai pas encore la date. Et une voiture, effectivement, une voiture qui ne roule pas, mais qui, c'est une espèce de carrosse de conte de fées à partir duquel surgiront des images, des propositions. C'est un peu une boîte magique qui s'ouvre et qui à un moment donné explose et on voit des choses, il se passe des choses. Voilà. On est entre le burlesque et le mélancolique, entre deux époques, celle de Jean-Yann, de ces années qui sont évoquées au travers de ce spectacle, et nos années, il y a des ressemblances, il y a des différences ? Totalement, il y a vraiment des différences dans la façon de faire du cinéma, par exemple, au jour d'aujourd'hui. Moi, je travaille aussi régulièrement au cinéma, là j'ai l'occasion de travailler avec Arnaud Desplechin par exemple, et la façon dont on fabrique du cinéma ou dont on produit le cinéma n'est pas la même. Et en même temps, dans ces années-là, il y avait quelque chose de chez Yann et son producteur Jean-Pierre Rassam, il y avait une espèce de folie, quoi, dans la façon dont on produisait, dont on dépensait l'argent. En fait, quelque part, c'était des révolutionnaires. On ne s'en rend pas très bien compte. On a toujours dit que Yann, c'était un anarchiste de droite, mais c'est un anarch, quoi, tout simplement. Et je pense qu'ils veulent à eux, ils ont voulu à eux deux, et ça n'a pas marché, mais ils ont voulu faire exploser le système du capital, quoi. En dépensant à profusion, par exemple, quand ils ont produit le film Les Chinois à Paris, ils ont loué un train, un wagon-lit pour faire la tournée des villes pour promouvoir le film. Et ils s'arrêtaient dans chaque ville, ils faisaient venir des filles. Alors c'était filles, champagne, coke. Et ils dépensaient sans compter. Ils recevaient dans leur bureau 33 avenue des Champs-Élysées avec beaucoup de générosité. Donc vas-y, tu veux quelque chose, vas-y, prends-le. Ça s'est cassé la gueule. Mais on n'était pas là pour thésauriser, en tout cas, à cette époque-là. Aujourd'hui, on est plus là-dedans, quoi. C'était les utopies libertaires qui se confrontaient déjà, voire qui s'affrontaient à certaines réalités qu'on appelait déjà à ce moment-là le capitalisme. Oui, mais avec leur façon à eux d'essayer de le foutre en l'air, quoi. Je crois que j'avais lu ça, que c'était François Chalet, qui était un critique de cinéma, qui disait que plutôt que de balancer des pavés dans la rue en 68, c'était peut-être aussi bien d'aller voir Les Chinois à Paris, le film de Yann, qui était pour lui ou moi, Yann à voler des sous, un autre film de Yann, aussi ou tout autant révolutionnaire, quoi. Mmh. Il y avait un côté, oui, il y a un côté comme ça, un côté où on fait exploser la machine de l'intérieur, quoi. Spectacle Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille, sur évidemment c'est l'univers des années 70, au moment où Jean-Yann excellait dans un certain nombre effectivement d'expressions artistiques, mais aussi radiophoniques, puisqu'il animait, il était animateur de radio, j'ai lu ça, et j'ai des souvenirs effectivement d'émissions sur Europe 1, voire sur RTL à l'époque. Oui, tout à fait. Voilà, Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille, c'est à la fois entre théâtre, cinéma et musique. Tout cela sur scène le mardi 6 mars à 20h30, le mercredi 7 mars à 20h30 à l'apostrophe Théâtre 95 à Cergy Centre. Qu'on se le dise, mille merci Marc Prin. Merci à vous.